Histoire vivante et la fin du rêve sioniste autour de la figure de Benjamin Netanyahou, c'est tout de suite dans Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Aujourd'hui, Israël prend une nouvelle direction. Cette semaine, la fin du rêve sioniste. Nous croyons que chaque citoyen d'Israël, profil et revers de Bibi, pourquoi criez-vous après la presse? Après tout, non. En compagnie de Jean-Pierre Filiu. En suivant Netanyahou, on comprend ce qu'Israël est devenu aujourd'hui et éventuellement ce qu'Israël pourrait être sans Netanyahou, tant sa personnalité a influencé au cours des dernières années l'État d'Israël et le mouvement sioniste en général. Nous sommes cette semaine au Joie en compagnie de Jean-Pierre Filiu, que l'on retrouve avec plaisir au micro d'Histoire vivante. Pourquoi ? Parce que nous sommes là dans la perspective d'un documentaire qui sera diffusé dimanche soir sur RTS2, documentaire que Jean-Pierre Filiu a vu. Nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus tard dans la semaine, non pas aujourd'hui. Documentaire absolument passionnant et incroyablement résonnant avec son propre ouvrage « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste ». C'est un ouvrage que Jean-Pierre Filiu vient de faire paraître aux éditions « La Découverte ». Nous avons choisi de baptiser l'épisode d'aujourd'hui « Origine de pensée et découpage ». Quand on dit « origine de pensée », il faut se tourner vers la famille, car Benjamin Netanyahou a une famille qui n'en a pas, il a une fratrie, certains en ont, d'autres pas. Cette fratrie va jouer un rôle considérable dans sa propre existence, avec des heures joyeuses et des heures plus sombres, mais pas seulement les frangins, également le paternel. On va peut-être déjà commencer par le commencement, cette famille Netanyahou. Pourriez-vous, Jean-Pierre Filiu, nous en faire un peu les présentations? Oui, alors Benzion Netanyahou, le père de Benjamin, l'actuel Premier ministre d'Israël, est un historien, mais c'est surtout un militant révisionniste, c'est-à-dire qu'il appartient corps et âme à cette famille minoritaire du sionisme, je rappelle qu'on est dans le mandat britannique sur la Palestine, et qui s'oppose à la tendance majoritaire menée par David Ben-Gourion et d'inspiration progressiste, voire marxiste pour beaucoup d'entre eux. Donc les révisionnistes sont à la fois de droite, à la fois sur le plan philosophique, économique, social, mais ce sont aussi des ultranationalistes qui, paradoxalement, reconnaissent la réalité du nationalisme arabe, mais pour considérer qu'aucune conciliation n'étant possible avec lui, il faut établir ce que l'idéologue et fondateur de cette famille révisionniste, Zev Jabotinsky, appelle un mur de fer. Alors le mur de fer, c'est celui derrière lequel les juifs seraient les plus nombreux et repousseraient méthodiquement, implacablement, avec de l'autre côté de ce mur, les Arabes qui auraient été exclus du territoire ainsi conquis, je le rappelle, méthodiquement par les Juifs. C'est une image que Netanyahou, l'actuel Premier ministre, utilise très fréquemment. Et on pourra revenir sur les différents murs dont il est responsable aujourd'hui en Israël et en Palestine. Alors, Benzion Netanyahou est un intellectuel. Il participe aux revues, à la propagande de ce mouvement révisionniste. Donc, il va se retrouver être minoritaire dans la minorité et qui, elle-même, est gagnée à la lutte armée avec une organisation. L'organisation en hébreu, c'est Irgun, qui va se livrer à un certain nombre d'attentats et d'actes de violence au nom de sa vision de d'Eretz Israël, donc de la terre d'Israël. Donc Netanyahou, père, Benzion, va rejoindre à New York Jabotinsky, qui est exilé de Palestine par les Britanniques et qui essaye de mobiliser les Juifs américains au profit des Alliés durant le second conflit mondial. Et c'est à New York que Jabotinsky va mourir et Benzion, Netanyahou, va devenir le responsable de l'organisation révisionniste aux États-Unis. Et à la différence des sionistes majoritaires qui misent totalement sur le Parti démocrate, d'abord parce qu'il est au pouvoir et puis, comme je l'ai dit, parce qu'ils sont d'inspiration progressiste, Benzion, lui, va très tôt mener des contacts avec le Parti républicain, conformément à la philosophie politique de droite de son mouvement. Et au moment de la fondation de l'État d'Israël, David Ben-Gourion va non seulement être le père fondateur, celui qui lit la déclaration d'indépendance le 14 mai 1948, mais aussi celui qui va écraser militairement l'Irgun, qui va contraindre les révisionnistes à désarmer, à intégrer la nouvelle armée israélienne, donc Tsahal, les forces de défense d'Israël, et les révisionnistes vont être totalement laminés aux premières élections à la Knesset qui se tiennent alors que le premier conflit israélo-arabe n'est pas encore terminé au début de 1949. Comment peut-on, Jean-Pierre Filu, définir ou comprendre ce qui oppose, alors même que désormais Israël c'est une adresse, les révisionnistes d'un côté et les progressistes de l'autre? Est-ce que les oppositions sont définissables en fonction du programme, ce qu'ils ont l'intention de faire par rapport à l'ennemi ou encore par rapport aux Britanniques ou aux anciens colons? Quelle est la ligne de partage? Alors la ligne de partage fondatrice, c'est le Jourdain. Les révisionnistes refusent que le mandat britannique sur la Palestine soit amputé de la Transjordanie. Ce qui leur permettra après de dire, Netanyahou le fait là encore régulièrement, qu'ils ont de toute façon abandonné 80 voire 90% du territoire de la Palestine. On parle essentiellement du désert jordanien. Et puis après, il y a toutes les oppositions politiques, sociales qu'on a vues. Et enfin, il y a la logique milicienne. À partir du moment où l'Irgun, comme bras armé du mouvement révisionniste, est écrasé par la milice travailliste, la Haganah, la défense, qui elle-même devient l'armée d'Israël, eh bien, ils ont perdu. Donc, au-delà de toutes les considérations politiques, il y a la grande rancœur, la volonté de revanche d'une minorité à l'intérieur même de l'État d'Israël au moment de sa fondation. Pas un instant, puisqu'il y a désormais un vainqueur et un vaincu dans ce nouvel Israël, les vainqueurs ne vont tendre la main vers les vaincus pour essayer, coûte que coûte, et le plus tôt possible, d'empêcher une scission irréversible. Peut-être ne voit-on pas si loin et se dit-on qu'à un moment ou un autre, compte tenu de la nouveauté et la joie de la création d'Israël, les choses pourront se raccommoder. Y a-t-il du côté de Ben-Gourion, pour simplement le personnifier, le faire comprendre plus rapidement, tentative d'essayer de faire sentir au camp du vaincu qu'il est temps avant tout de raccommoder? Oui, mais aux conditions de Ben-Gourion. Le mouvement sioniste est réunifié, mais sur la base du programme de Ben-Gourion, et on offre la possibilité donc aux révisionnistes, aux anciens militants de l'Irgun, menés par Menahem Begin, de participer aux élections où ils sont, où ils reçoivent un score tout à fait cinglant. Donc c'est double peine. Et donc Ben-Gourion peut se prévaloir assez légitimement de cette légitimité démocratique, même s'il l'a parfois imposée par la force. Mais il y a une volonté, en tout cas chez Ben-Gourion, là aussi de vengeance. Il faut savoir que tant qu'il a été Premier ministre, il refusera que le corps de Zev Jabotinsky soit rapatrié en Israël et enterré, ce qui sera le cas en 1963, au Mont Herzl, avec toutes les grandes personnalités du mouvement sioniste et de l'État. Quelle est la nature de cette rancune tenace? Il y a d'abord la violence. Il y a eu beaucoup de sang entre eux. une grande brutalité dans le débat. Ben-Gourion est cité comme ayant dit que si Jabotinsky pouvait, il nous traiterait comme les nazis traitent les socialistes en Allemagne. Donc ça en dit long sur le climat qui régnait entre eux. Mais il faut voir aussi que en 1948, Ben-Gourion est à la tête d'une entreprise incroyable, extraordinaire, et que les révisionnistes, d'une certaine façon, n'y ont plus leur place de son point de vue. Ils ont perdu, ils ont eu tort, ils ont fait tous les mauvais choix au mauvais moment, ils ont failli, par leur jusqu'au boutisme terroriste, compromettre le plan de partition, donc la création de l'État d'Israël sur une partie de la Palestine mandataire. Et donc, oui, Ben-Gourion ne leur pardonne pas, il est très rancunier, mais de l'autre côté, les révisionnistes vont cultiver cette opposition intérieure, et Benzion Netanyahou va aller même plus loin, c'est-à-dire qu'il va retourner aux États-Unis. Il considère que cet Israël travailliste, cet Israël bolchevique, c'est ainsi qu'on appelle la gauche dans la famille Netanyahou, est tout simplement insupportable, irrespirable. Et donc Benjamin, qui est né en 1949 à Jérusalem, donc après la fondation de l'État d'Israël, va passer une très grande partie de sa jeunesse et puis de ses études aux États-Unis. Pourquoi, dans mon livre, je l'appelle aussi Bibi l'Américain, Bibi étant le surnom à la fois respectueux et affectueux que ses partisans donnent à l'actuel Premier ministre. Deux frères. Trois. Trois frères, pardon. Trois frères, et donc ils sont trois. L'aîné, c'est Jonathan, surnommé Yoni. Ensuite, il y a Benjamin, surnommé Bibi. Et puis, il y a Ido, le petit. Ah oui, trois frères en tout. Voilà. Et oui, c'est ça. Il a deux frères, ça fait trois frères en tout. Ah, je m'étais dit, j'avais mal lu. Donc, il y a la figure charismatique de l'aîné, hein, Jonathan. Ido étant plus effacé. Aujourd'hui, il écrit des pièces de théâtre et des nouvelles. On voit que c'est pas du tout un homme qui a bien tourné. C'est pas du tout la carrière de ces deux aînés qui vont tous les deux servir avec éclat et courage. Et j'insiste sur Jonathan et Benjamin Netanyahou dans les forces spéciales d'Israël, donc Sayeret Mektal, une unité qui n'existait pas jusqu'à ce qu'Israël finisse par officiellement en accepter l'existence. C'est d'ailleurs une unité où l'un comme l'autre vont côtoyer et d'ailleurs agir sous le commandement d'Ehud Barak, qui succédera à Netanyahou comme Premier ministre travailliste en 1999. Il y a toujours ce côté histoire de famille dans la politique israélienne. Et donc, Jonathan est celui qui porte tous les espoirs de Benzion Netanyahou, qui voit en lui, il s'en confie volontiers, non seulement le futur chef d'état-major d'Israël, mais aussi le futur Premier ministre. Et Jonathan va devenir le chef de cette unité, donc de force spéciale, alors que Benjamin, au bout de 5 années, où d'ailleurs il a été blessé, où il a failli être tué, Benjamin, lui, va abandonner la carrière militaire et retourner aux États-Unis pour étudier à Boston, au MIT, faire un MBA, donc des études de business. Hein. Donc, comme si, au fond, son horizon, c'était les États-Unis. D'ailleurs, on a des documents tout à fait fascinants où il apparaît en public, non pas comme Netanyahou, mais comme Ben Nitai. Alors, Nitai, c'était le nom de plume de la famille, mais c'est étonnant de voir l'actuel Premier ministre d'Israël s'efforçant, au fond, de gommer ce qu'il y a de plus hébreu dans son patronyme pour s'américaniser pendant cette période. Et puis, il y a le coup de tonnerre du 4 juillet 1976. Un avion d'Air France avait été détourné par des terroristes palestiniens et allemands sur l'aéroport d'Entebbe en Ouganda. Il y avait une centaine d'otages à bord et une opération très audacieuse d'Israël, il faut quand même l'imaginer, hein, l'opération aéroportée puis héliportée sur l'aéroport d'Entebbe va aboutir à la libération de pratiquement tous les otages et à l'élimination du commando terroriste ainsi que officiellement 20, sans doute plusieurs dizaines de soldats ougandais. On est à l'époque de la dictature d'Idi Amin Dada, qui collaborait très étroitement avec les régimes arabes les plus radicaux, par exemple la Libye de Kadhafi. Mais Jonathan Netanyahou tombe les armes à la main sur l'aéroport d'Entebbe. C'est la seule victime militaire du côté israélien et il va lui être accordé des funérailles d'État. Il va donc être enterré au Mont Herzl aux côtés de toutes les personnalités importantes du mouvement sioniste et d'Israël. Et c'est Yitzhak Rabin qui est Premier ministre. C'est Shimon Peres qui est ministre de la Défense. Donc là encore, hein, des histoires de famille. Et c'est Rabin qui va décider que l'opération d'Entebbe s'appellera désormais Opération Jonathan. Et donc, Jonathan Netanyahou prend les allures d'un héros national et son jeune frère, Benjamin, se voit poussé... Inspiré, presque naturellement. Toutes les personnes qui connaissent Netanyahou, toutes les personnes qui ont travaillé sur Netanyahou disent qu'il y a avant et après la mort de son aîné. Hein. Et il y a à la fois le transfert de la volonté paternelle. Hein. Et bien, si ce n'est pas Jonathan qui arrive aux plus hautes fonctions, ce sera Benjamin. Et c'est un père qui est très puissant hein, dans cette influence sur son fils. Et puis, il y a aussi le destin. Netanyahou, donc Benjamin, va se faire un prénom. Il va d'abord mettre en avant celui de son frère. Il va créer un institut Jonathan qui est consacré au terrorisme et pour cause. Hein, c'est quand même l'ennemi face auquel son frère aîné est tombé. Et peu à peu, du fait de cette double culture israélienne et américaine, par l'Institut Jonathan, Benjamin va se construire un réseau très important parmi les décideurs israéliens, mais aussi américains, et se poser avec un certain aplomb comme référence dans la lutte contre le terrorisme. Un livre est publié, des conférences se tiennent, et il intervient de plus en plus dans les médias américains, qui le présentent justement comme expert sur cette question. Et c'est là que Benjamin Netanyahou existe littéralement par lui-même. Jean-Pierre Filieu, vous avez évoqué pour nous la figure du frère aîné de Benjamin Netanyahou. J'aimerais qu'on revienne un instant sur l'événement de Entebbe, au sens où m'a-t-il semblé qu'il s'inscrivait dans la longue histoire, pas seulement nationale, mais également à résonance internationale, de l'armée d'Israël. Pendant des années, cette armée d'Israël est une armée qui a une image extrêmement positive de courage, de vaillance, d'intelligence tactique, voire même de capacité d'être le petit David face aux immenses Goliath voisins. Est-ce que le raid sur Entebbe, pour reprendre le titre d'un film des plus douteux de l'époque, film ô combien emblématique, peut s'inscrire dans cette histoire brillante de l'armée d'Israël, ou bien c'est à considérer comme un épisode un peu à part? Ah non, ça s'inscrit tout à fait. Ça a d'ailleurs été exalté sur tous les tons en Israël. Il faut voir d'abord la performance technique. Comment à partir des bases militaires en Israël même, avec un relais à Sharm el-Sheikh, donc au sud du territoire égyptien du Sinaï alors occupé, on va pouvoir mener cette opération avec une base arrière au Kenya. Oui, il y a une grande connaissance technique de l'endroit de l'opération, liée au fait que des ingénieurs, si je me rappelle bien, israéliens, ont participé à la construction de... Oui, il faut voir qu'Idi Amin Dada était le grand ami d'Israël jusqu'à récemment, qu'il avait été reçu avec éclat, et que d'ailleurs il y avait une volonté des Israéliens de se venger du fait que leur ami dictateur ougandais avait basculé complètement dans le camp arabe. Mais très concrètement, la performance est considérable. Le fait que sur 104 otages, si je me rappelle bien, 102 vont être ramenés en Israël, est absolument incroyable de professionnalisme et de sang-froid. On a quand même eu des échanges de tirs très nourris qui, au moins du fait des balles perdues, auraient pu coûter la vie à ces civils. Ça n'a pas été le cas. Donc, c'est tout à fait légitime que les Israéliens reconnaissent dans cette opération d'Entebbé un des grands moments de leur histoire militaire. Et ce qui est fascinant pour l'historien, c'est que ce grand moment de l'histoire israélienne coïncide avec le tournant personnel et familial de Benjamin Netanyahou, qui a donc désormais battu le record de Ben-Gourion en longévité à la tête du gouvernement israélien. Israel paid its debt of final honor today to Lieutenant Colonel Yonatan Netanyahu in a state funeral on Mount Herzl in Jerusalem. Practically all of Israel's present and past leaders were there, along with Netanyahu's comrades in arms and thousands of Israelis who had never met the commander. Jean-Pierre Filliu, revenons, si vous le voulez bien, un instant sur ce plan de partage britannique, puisqu'on est encore dans la construction historique. Il est important surtout de poser dans l'esprit de ceux qui nous écoutent toutes les briques possibles et imaginables. Ce plan de partage, à vous lire, j'ai bien saisi qu'il avait quand même pas mal d'ennemis. Est-ce qu'il est conçu par les Britanniques dans l'espoir qu'ils soient eux-mêmes rappelés à revenir un jour jouer les arbitres dans la région? Autrement dit, est-il conçu comme un objet ne pouvant pas fonctionner et qui devra nécessairement faire que les utilisateurs se tournent vers le constructeur? Les Britanniques ont proposé un plan de partage de la Palestine en 1937, qui alors avait été accepté par le mouvement sioniste, mais rejeté par Jabotinsky et les révisionnistes, au nom de leur logique du tout ou rien, mais qui avait été unanimement condamné par la partie arabe, considérant que la déclaration Balfour étant elle-même illégitime, on ne pouvait pas donner une partie du pays contre l'avis de la majorité de ses habitants. En 1947, c'est l'ONU qui propose un plan de partage, car les Britanniques ont annoncé qu'ils se dégageaient de la Palestine et qu'ils remettaient le mandat qu'ils avaient reçu de la Société des Nations à la nouvelle Organisation des Nations Unies. Une certaine forme de découragement. Et d'abandon. Donc là, de toute façon, on voit bien que en 1947-48, entre la partition entre l'Inde et le Pakistan et le retrait de Palestine, les Britanniques, c'est après eux le déluge. Et donc, ils ont remis le dossier à l'ONU. D'ailleurs, ils ne voteront pas sur le plan de partage, ils s'abstiendront. Et l'administration Truman, donc le président démocrate qui a succédé à Roosevelt après sa mort au début de son quatrième mandat, et qui va beaucoup pousser à cette partition de la Palestine, essentiellement pour des questions de politique intérieure américaine. La commission de l'ONU, elle, avait proposé deux solutions, soit la partition, soit la fédération, entre deux États juifs et arabes. Et même le plan de partage, il est très complexe. On a un peu plus de la moitié qui est attribuée à l'État juif, un peu moins de la moitié à l'État arabe, mais on a une zone internationale à Jérusalem, on a une autre plus étroite zone internationale sur la côte, à Jaffa, on a des systèmes de corridors. Donc au fond, le plan de partage était déjà tellement complexe qu'il supposait d'une certaine façon la bonne volonté des deux parties, et si cette bonne volonté existait, eh bien le conflit aurait été en partie réglé. J'ai eu l'honneur d'être diplomate pendant 20 ans, donc je vois à peu près la logique qui sous-tend de telles constructions. Donc là encore, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de plan, il y a juste un mélange d'incompétence, de lâcheté, et puis un mouvement historique très fort. Il faut voir que du côté de la direction sioniste et de la population juive en Palestine, le traumatisme de la Shoah est immense, et l'État d'Israël doit exister pour servir de refuge, non seulement aux rescapés de la Shoah, mais aux Juifs qui pourraient être persécutés de par le monde. Donc il y a une motivation qui est formidable. Un petit mot sur ces quartiers internationaux. Il en existe après-guerre, mais également avant-guerre dans quelques villes dans le monde. Après-guerre, on pense évidemment à Berlin. Avant-guerre, on pense aux concessions internationales qui peuvent exister en Asie. Est-ce que là, ces endroits internationaux, vous les qualifieriez mieux que moi, Jean-Pierre Filu, sont appelés à être des objets de longue durée ou simplement temporaires, le temps de trouver les stabilités? Dans le plan de partage que l'ONU vote, donc en Assemblée générale, à l'époque c'est pas le Conseil de sécurité, en novembre 1947, Jérusalem est placée sous autorité de l'ONU, sans limitation dans la durée. Mais non seulement il y aura la guerre qui va éclater dès la fin du mandat britannique et la proclamation de l'État d'Israël, mais il y aura l'assassinat à Jérusalem du médiateur de l'ONU pour la Palestine, le Suédois Folke Bernadotte, par des dissidents de l'organisation révisionniste, un groupe qui s'appelle Lehi, et ça mettra fin à toute velléité de l'ONU à reconnaître un statut international pour Jérusalem. Mais le français que je suis doit rappeler que du point de vue de la diplomatie française, qui est peu connue, Jérusalem continue d'être traitée au moins en théorie comme corpus separatum, c'est-à-dire effectivement comme entité particulière, avec un consulat de France à Jérusalem qui est rattaché directement à Paris, et qui est donc un poste diplomatique de plein exercice, ce qui fera que les Français, en 1948-49, à la fin de la première guerre israélo-arabe, traiteront de fait avec les Israéliens à l'ouest et avec les Jordaniens à l'est, mais sans jamais reconnaître juridiquement, de jure, la souveraineté ni des uns ni des autres sur la partie de la ville sainte qu'ils contrôlent. On se retrouvera demain, Jean-Pierre Filu, pour poursuivre ce passionnant entretien historico, mais on vous amènera bien un petit peu sur le contemporain, même si vous avez choisi, et on le comprend, d'être le plus prudent possible, sachant que la situation dans cette période électorale et d'une manière générale est quand même sur place relativement volatile. Nous continuerons donc cet entretien autour de votre ouvrage paru aux éditions La Découverte, Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste. Le chapitre que nous ouvrirons demain aura pour sujet le paysage politique. À demain. Thank you.